Une négation totale, c'est toujours. On décroche mal. Là, c'est-à-dire, معنا ليس تفيد عليكم السلام. تفيد الناس في الخبر. طيب, إلى متى؟ Toujours. Je ne peux pas en dire plus. At-ta'rif, est-ce que vous avez appris la signification de Laysa? Cette négation, elle est au mardi, au futur. Comment on a dit? Et qu'est-ce qu'on a dit, Ahmed? Je répète ma question. Le ta'rif de Laysa Mahi, c'est la négation de Laysa, c'est jusqu'à quand? Andek, il y a. La waqt al-hal. Mais faut mada? Est-ce qu'il peut laisser la négation un peu être au futur? Wahbi, alaykoum salam. Un peu, mais là où on parle, c'est là où on voit, c'est juste où on parle. Il a répondu à Iman. Mais est-ce qu'elle peut être au futur? Avec laïssa, non. Andek? Oui? Quand? Comment? Tu vas dire qu'annuler ça, bah laïssa zaydou marida. Parce que là, l'annuler, c'est plus waqt al-hal. Ça peut être plus tard. Ça peut être l'annuler, peut être guéri plus tard. Non, c'est pas ça. Wahbi, là, t'as répondu comme Wahbi, là? C'est-à-dire jusqu'à maintenant, mais moi la question. Très bien, mashallah, ça c'est bien répondu. Mais j'ai demandé quoi? Est-ce que Laïssa, il peut avoir une négation plus loin qu'il a waqt al-hal? Andek. Pas de harf, je n'ai pas dit un harf. Ma'na biqarina mada, mitha darf. Un harf, il n'y a pas de ma'na. Ça, vous, on n'a pas parlé de ça, mais un harf, il n'a pas de sens. Si tu dis Laïssa, Zaydoun, Maridan, ba. Ba harf là. الحروف ما لها معاني مفهوم الاسم له معنى الفعل له معنى ذهب الى انسنس الحدث ماذا في الماضي زيدون له معنى سيكوا اسم عالم اما الحرف ما له معنى اون ديزي كوا زيدون ليس باغ اكزومبل ليس زيدون مريضا غدا انت كومبري سا وهي غدا سيكوا في المستقبل مفهوم هذا بارك الله فيكم. Il a une particularité ce verbe. Il y a Kamel. Laïsa mahwa, mahia. Et ça s'appelle comment en arabe ça? Jamid. Jamid. Ma'na ma yatasarraf kamilan. Yatasarraf illa fil madi. Taïb. Ahsant. Conjugue un petit peu, Abdelkarim. Avec quoi? On parle de qui là? Non, mais là, depuis tout à l'heure, on parle de quoi et de qui? Il est ça. Déjà, Allah, Fadrak Taïb. Laïssa, tu me le conjugues. C'est quoi? Laïstou. Taïb. Non. Très bien. Et là, akhir, Taïb. Comment on sait que c'est un verbe? Comment on a su à Mohamed que Laïssa, c'était un verbe? Là, là, c'est pas par rapport à ça. On en avait parlé un petit peu dans le 1. Je vous avais parlé des quoi? Des signes de verbe, des signes de. Mais vous vous en souvenez un petit peu de ça? Andak. C'est l'histoire de Haraka, non? Là, dakhalat alayhi dhamair. Par exemple, ta'anith, min alamat mada. Qui se souvient? Al-fi'l madi, ahsanta Mohamed. Idha qulna dhahabat, min alamat mada. Al-fi'l al-madi. Alors on dit quoi? Laysat. Car il y a une divergence dans Laysa, certains. Ils disent que c'est un harf, mais à partir du moment où il a accepté les dhamair, comme lestu, laysat, lesna, ils ont dit que c'est un verbe. Mais faut mada? Également. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce verbe? Il est naqas. Ma ma'na naqas? Naqas, en français? Bil lugha al arabiya, c'est mieux. Si tu peux le dire, si tu peux pas, en français. Ma ma'na naqas? Fi'l naqas, ma ma'na? C'est jamais ça. Andek? Il y a un fi'al? Non, khabar ou ism. Ma, yahtaj ila ism ou khabar. Ma'ana la yaktafi bi marfu'ihi. Mais fou mada? C'est-à-dire quoi? C'est un verbe, il ne peut pas se suffire avec son marfu'. Law qulna al-an barakallahu fikum laysa zaydun. Ma la ou ma'an? Mais on va voir, inshallah, plus tard que certains verbes, le marfu' lui suffit. Qama zaydun. Fi'al wa fa'al. Jumla mufida, dakhala sheikh. Mais faut mada? C'est compris ça? Mais certains verbes, on verra qu'ils ont besoin de plus qu'un sujet. Si je vous dis par exemple, Daraba Zayd. Daraba, c'est un verbe qui a besoin de quoi? D'un COD, d'un mef'ulbi. Daraba Zaydoun Amr. Vous avez compris ça? Barakallahu fikoum. Taïb. Et on a dit une faïda par rapport à Laysa et à Razi. Il rentre que dans une phrase nominale. Nominale, na'am. C'est-à-dire, il a le mubtada wal khabar. T'as pas remarqué hier, par l'auteur du livre, il a pas commencé par les exemples les plus simples. On lui dire par exemple, Laysa Zaydoun Maridan, lui donner d'autres exemples. Il a dit qu'on peut rentrer bi. Ouais, il a pas dit, mais c'est son manhaj, c'est-à-dire beaucoup, il faisait quoi? Zaydoun Laysa bi Marid. C'est un tawkid. Na'am. Mais sinon, après on va en parler de ça. Mais sinon, on a vu quoi? Yukthar al-dukhul al-harf al-jar. Dans Laysa. Hein, comme il a fait l'auteur du livre, Laysa Zaydoun bimarid, Laysa Alma bibaridin ila akhir. Amma al-hafjar bimana al-tawkid. Naam. Taïb. On a dit que ça. Hein? Comment? Non, sur Laysa. Ça va venir après. Taïb. Mais si le mot est devant Laysa, c'est pas l'ism Laysa. Taïb. Laysa Zaydoun Maridan. A'arab hadil jumla. Laysa ism. Fi'al naqis. Fi'al madi naqis, na'am. A'arab hadil jumla. Laysa Zaydoun Maridan. Zaydoun ism Laysa. Très bien, mashallah. Al-Khabal ism Laysa. Maridan, tu veux dire? Maridan, Khabar. Khabar et Laysa. C'est bien, mashallah. Très bien. Taïb, عندك عبد المجيد. Inna li thalatha akhawat. Ici, pourquoi on a fait avancer le Khabar? Al-Mubtada, Nakira. Asl hadi al-jumla, maya. C'est quoi la base de cette phrase? Inna li thalatha akhawat. Par exemple, on aurait dit Inna fil bayti zaydu, rajulun. Rajulun fil bayti. Taïb. Et pourquoi on a fait? C'est quoi la règle d'ici, hein, Abdallah? Quand est-ce qu'on a le droit de faire précéder le Mubtada? T'étais pas là hier, hein? T'as pas rattrapé le coup? Mohamed? Quand est-ce qu'on a le droit de faire avancer le Khabar au Mubtada? Jar majrur wa idan qulna dharf. Ahsan. Je m'exprime plus clairement parce qu'il y a un frère qui est venu me voir pour pas que vous compreniez mal. On a dit quoi? Al-Mubtada idha subiqa bi harf al-jar. Ma'ana al-jar wal-majrur. Par exemple, fi al-bayti rajulun. Mufhum? Fi harf jar wal-majrur ayn huwa? Al-bayti. Ou al-dharf. Tahta shajra ou tahta al-maktaba rajulun. Hadha ma'ana al-dharf. D'ailleurs, comment on dit rencontre? Daoud? Hein? Liqaoun, très bien. Ou fleuve? Nahrun, Iljam, Anhar. Très bien. Excellent, bon. Jaydoun. Télégramme, Wahbi, comme on dit. Ndek. S'il y a le pluriel, pas besoin que je vous demande. S'il y a le pluriel, donnez-moi le pluriel. Barqiyatoun. Barqiyat. Naam. La poste. Al-Barid. Naam. Et la banque? Misraf. Ou le jam? Masarif. Taïb. Taïb, bismillah. Ad-dars al-thalithu. Et masarif, eh? Masarif. Masraf, t'as dit? Ah, masarif. Taïb. Masarif. Bismillah, voix haute, hein? Kamta là-bas. Il y a bien Kamta là-bas. كم طالبة؟ طالبة نعم. طالبة في فصلكم يا علي. في فصلكم يا علي. تلميذ تكلم. كم طالبا في فصلكم يا علي؟ أبو تا؟ في فصلنا 14 طلاب طلابا. نغير بيا. طالبا. نعم. هلا نبغى نوفل رايك دو. سأدير دو كوا دو 11 à 99. La chose comptée sera singulier منصوب. هاه. Pas طلابا. طالبا. On est en train d'apprendre, on va étudier les chiffres. Le suivant. طلاب في فصلنا أكثر فيها 19 فيه فيه 19 طالبان يا علي ما اسم طالب الجديد الذي جاء أمس؟ الذي جاء أمس نعم اسمه أسامة. اسمه أسامة نعم. هو طويل جدا أليس كذلك؟ بل هو طويل. قبل بلا. سي بلا بلا بابل. بل سان اوتر تريك. بلا هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا ومن أطول طالب في فصلكم. تمام. أطول طالب في فصلنا إبراهيم. نعم. أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا ما شاء الله. شكرا يا علي. خطك أجمل. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. نعم هو أخي الشقيق. أكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. في أي في أي مهجعي مهجعين يا أخي سيبا الجامسي ما معنى الجامسي يا تنامي غير بي الخامسي الخامسي وهو بعيد جدا très bien عن المدرسة très bien أنا في المهجعي الثامن وهو أبعد من مهجعكم On doit s'enchaîner les frères comme ça. Ayyuhuma. Al-mahja'u al-khamisu ahsanu fa'inna ghurfatu aswa. Fa'inna ghurafahu. Fa'inna ghurafahu awsa. Wa nawafidhu akbar. Wa nawafidhu akbar. Wa marahidahu anbar. نعم والسرور التي فيه أجمل السرور التي فيه أجمل طيب دي مو با كومبري ها دوني لي لين كوم سا تول مون بروفيت لا بيرسون كي مهجا سي الدكتور طيب انضاف على فون انضاف لو دانيي مو انضاف سادير بلو بروب نعم Shakir, c'est un frère de père et de mère. C'est quoi ? Le frère de père et de mère. Ouais. Achi Shakir. 200. Voilà. Comment ? Frère 200. Oui. Il y a nous, Indana et Khoa, mais dans la Rada, frère de lait. Oui. C'est bon. Compris, Daoud, ça ? Voilà. Achi Shakir. مراحل سلي تولت نعم مرحبا نعم نعم مهاج سل بلوريال طيب سي بون بسم الله les frères prenez l'exercice grand 6 طيب comme on a parlé de inna طيب واخواتها et de laysa inchallah on va continuer ça et après demain on reviendra sur le reste de la leçon طيب اقرا المثالين ثم اربط بين كل جملتين فيما يلي مستعملا لكن واعلم ان لكن من اخوات inna Tout le monde dit Inch'Allah Qui se souvient ce qu'il fait Inna Wahbi Mada ta'amel Inna Tarfa Tansab Aïd Donne-nous un exemple Inna Donne-moi un exemple, comme ça, ça va t'aider de ce que tu dis. Inna al-masjidan kabira. Inna al-masjida. Inna al-masjidan. Al-masjidan, il ne peut pas. Inna al-masjida kabira. Kabira. طيب الى تو تجي يرفع الاسم وينصب الخبر اي نعم عكست نعم وزي ريبيتر ينصب الاسم ويرفع الخبر مفهوم هذا طيب ان زيدان مريض تي كومبريس ان شاء الله alors il vous dit quoi là لكن واعلم ان لكن من اخوات ان ما معنى هذا الكلام لكن نعم واعلم ان لكن من اخوات ان في نفس الخدمه Voilà, min akha, c'est-à-dire de la famille de Inna. C'est-à-dire au niveau du travail, c'est la même chose. T'as vu? Voilà, kinna ma'na mada istidrak. T'as vu? Ma ma'na l'istidrak, c'est rectifier une chose. T'as vu? Si vous voulez écrire. Al-istidrak. Ma'na la kinna ma'na l'istidrak. T'as vu? Vous allez comprendre ça. L'imada soumiyat l'istidrak. T'as vu? Car elle va quoi ? Elle va rectifier une chose que tu pouvais penser négatif ou positif. Me faut me hada ? Taïb. Tout le monde a écrit ça ? Istidrak ? Rectification. Non. C'est alors que cependant. J'ai pas compris. C'est alors que cependant. Là, ça, ça va venir après. Mais. C'est pas cependant. Ce serait mais. Me faut ? Ça c'est la traduction. Tout le monde a écrit, Inch'Allah ? C'est bon, Mohamed ? Tout le monde ? Taïb. Et là, on va voir le sens de ce mot-là. Et là, si je vous dis Zaydoun, barakallahu fikoum, Karimoun. Taïb. Ah, ou plutôt, on va dire Zaydoun Shuja'oun. Chez les Arabes, avant, si quelqu'un était très courageux, automatiquement, il était très généreux. Me foum hada ? Ça, c'est une sifa hada. C'est pas possible qu'une personne, par exemple, qui est courageuse, elle est avare. Si elle donne sa vie pour Allah, automatiquement l'argent, c'est quoi ? C'est bénin, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Vous avez compris ça ? Alors si je vous dis par exemple Zaydoun Shuja'un, qu'est-ce que vous allez penser ? Annahu Karim. Alors on dira quoi ? Walakinnahu Bakhil. Me foum hada ? Hada ma'na istidrak. Hein ? Bakhil, ça veut dire avare. T'as vu ? Si je vous dis par exemple, un frère qui ne connaît pas Damaj, il dit Fi Damaj Masjid Sarir. Automatiquement, il penserait quoi ? Qu'il y a peu de tollab. Walakin, il va dire quoi ? At-tollab kathir. Vous avez compris ? Ça veut dire soit tu rectifies une chose positive qui pensait négatif, ou une chose qui pensait négatif, et tu vas quoi ? Le rectifier au niveau positif. Mais faut, madame, on va donner un exemple déjà positif. Zaydoun, Shuja'un, là, il pensait quoi ici ? Il va penser positif. C'est vrai ou non ? C'est-à-dire, il pensait qu'il serait quoi ? Généreux. On dirait quoi ? Lakinna Zaydan Bakhil. Me foum hada ? C'est généreux ? Non, Bakhil, c'est-à-dire avare. T'as Sinon, on va dire radin. Si quelqu'un ne comprend pas, mais sinon avare, ça veut dire la même chose. T'as Là, on a quoi ? On pensait quoi ? De lui positivement. T'as Et on fait l'inverse. On garde le même exemple pour que vous compreniez quoi ? Bien ce mot-là. Zaydun Jaban. C'est-à-dire c'est un peureux. Jabanoun. Jaban. C'est-à-dire peureux. Taïb. Tout le monde a compris ? Alors un peureux, qu'est-ce qu'on va penser ? Si il pourrait être avare. On dirait quoi ? Walakin Karim. Mais faut mahada ? Là on a pensé quoi de lui ? Négativement. C'est vrai, on a pensé quoi ? C'était un peureux. Walakin, on va dire quoi ? Walakin hein ? Shuja. Non, on a dit. Ouais, Karim. Voilà. Parce que le fait qu'il était peureux. Mais faut madame, Inch'Allah, tout le monde a compris ? Tout le monde a compris, Inch'Allah ? On répète une dernière fois, Taïb. Alors on a dit quoi ? La kinna min akhawat inna. Tansab al-is, motarfa' al-khabar. Waya, bima'na mada, l'istidrak. Ou l'istidrak, on a dit quoi ? Rectifier. Soit tu rectifies une chose. Que tu pensais positivement et ce sera négatif ou l'inverse. طيب فقلنا ماذا بارك الله فيكم زيد شجاع لكنه on dira quoi بخيل مفهوم هذا زيد بخيل لكنه شجاع Tout le monde a compris ça inchallah le premier exemple طيب non, je comprends. Répète le premier exemple à Mahdi زيد شجاع ولكنه كريم Non, là, y a pas, on a bien pensé, tu l'as bien dit. Si tu as dit Zaidoun Shoja, c'est-à-dire il est courageux, on pense automatiquement qu'il est quoi ? Généreux. Alors, pour nous enlever cette quoi ? Cette pensée-là qui était positive sur lui, tu dirais quoi ? Lakin Nahu Bakhil. T'as et si je te dis maintenant Zaidoun Bakhil, on pourrait penser qu'également c'est un peureux. Tu dirais quoi ? Lakin Nahu Shoja. Mais Foum, Inch'Allah, tout le monde a compris ça ? Daoud, Mohamed, c'est bon ? Ayman, tout le monde a compris, Inch'Allah ? Taïb. Ben, on lit maintenant. Taïb. At-tullabu kathir. Qu'est-ce qu'on pourrait penser ici, sans regarder ? Non, ils sont beaucoup. Je vous dis, at-tullab kathir. Qu'est-ce qu'on pourrait penser ? Ils sont dans une grande classe. Hein, une classe, une énorme classe. Qu'est-ce qu'il a dit ? La kinna, al-fas, al-sarir. Le fond, Mahada ? Vous avez compris, là ? الطلاب كثير الفصل صغير الطلاب كثير لكن الفصل صغير مفهوم هذا et si on faisait l'inverse de cet exemple là ce serait quoi ici qui veut le faire vas-y c'est l'inverse de ce qu'on pensait positivement الطلاب قليل قليل الطلاب قليل لكن لكن الفصل كبير كبير احسنت مفهوم ان شاء الله tout le monde a compris là طيب on fait le deuxième ensemble حامد مجتهد après طيب on a حامد il est مجتهد il a toujours un frère avec lui un ami on pourrait penser quoi que lui-même il est de la même c'est-à-dire qu'il est aussi de la même trempe c'est-à-dire il est مجتهد صديقه كسلان حامد مجتهد لكن صديقه كسلان مفهوم هذا Et si on fait l'inverse ? Nous, on voit quoi ? Hamid avec un Keslan. On pourrait penser de quoi de Hamid ? C'est un feignant. Mais bon, alors pour, on a, au lieu de mal penser, on dirait quoi ? Voilà. La kinna, Hamidan, Mujtahidun. T'as vu, Inch'Allah ? Alors si vous voulez, après à la maison, vous écrivez ces deux, vous rectifiez ces deux exemples-là, comme ça vous allez comprendre les deux sens, positivement et négativement. T'as vu ? T'as vu, Bismillah. هنا محمد طويل حامد قصير تفضل محمد طويل لكن حامدا كثير قصير قصير très bien au suivant أمينة مجتهدة لكنها pas لكنها là tu parles de sa sœur نعم regarde bien sûr pas toujours la même أمينة مجتهدة لكن أختها كسلا لكن أختها لا أختها Il remonte sous. Taïb. Ukhtaha. Ukhtaha. Voilà. Taïb. Aminatu mujtahidatun. Lakinna ukhtaha kesla. Naam. Kesla paresseuse. Ah, c'est le féminin de kesla. Hada d'ars tawilun. Lakinna huwa sahlun. Naam. Hada d'ars tawilun. Taliyo. Naam. Taïb. Huwa sahlun. Vas-y. Ah, tu l'as fait directement? Là on aurait pu penser quoi ici positivement ou négativement si c'était Mohamed le fait que la leçon était longue on pensait que c'est quoi c'était difficile au suivant Abdallah pour que tout le monde profite là. Pas la kinnaha tu le fais rentrer dans ta mère répète ça dit لكن لكنها لكنها pas tu dis لكنها هي لكنها لكنها قوية نعم طيب et on a oublié de dire une chose également que لكن مثل إن تدخل على الضمائر ah vous souvenez on dit quoi إن زيدا مريض إنه مريض et لكن la même chose لكن زيدا مريض لكنه مريض مفهوم هذا طيب Suivant. Très bien. Akhi mutazawijun lakinni azabun. Là, on aurait comment. Pourquoi on a pensé ça de toi, là, par exemple ? Le fait qu'il était quoi ? Comment on a pensé que ton. Toi, tu nous as dit ton frère, il est marié. Et nous, on aurait pu penser de toi que tu étais marié. Pourquoi ? Non, bien sûr. Non, toi, tu es le plus aîné. Ah, c'est-à-dire que tu étais plus âgé que lui. Mais faut m'aider à Mohamed ? Barakallahu fik. Ibrahim Fakirun. لكن Très bien. Ibrahim ou Fakirun, lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ahsant. Non, Beytuka Jamilun Jiddan, Lakinnahu Sagir. Inch'Allah, tout le monde a compris. Hein? Hein? Et étudiez bien ça, révisez bien ça. Sachez que ces doros là ils sont dans quoi? Dans Ajrumiyya, dans Tuhfa. C'est-à-dire, celui qui les a compris dès maintenant, Alhamdulillah, fait l'Ajrumiyya, c'est que tu as compris maintenant, Muraja'a, Fakhat. Il faut. Non, Abdelkarim, tu veux savoir quoi? Là, là, Mohamed, pour voir si on comprend bien l'exercice, Mohamed, il serait venu vers moi et me dit « Akhi Moutaza Ouijoun ». Son frère, il a 20 ans, Mohamed, il en a 30. Moi, je pourrais penser quoi de lui? Qu'il est marié également. Il va me dire quoi? « Walakinani Azabun ». Il faut m'aider? À la base, on me dit on marie souvent le plus âgé. Non. Non, ça, c'est dire quoi? « Mouna Minasar »« Kaslanu » Et qu'à cela. Taïb, barakallahu fik. Et non, ça c'est. Essaye de rattraper le dars. Il est dans le 1, ça. Taïb, tu vois un frère, s'il peut te faire le même nom, Nassar. Allah y barak fik. Zakallahu khir. Non. Mais, voilà. Mohamed un tawil, Mohamed est grand, mais Hamid il est petit. Me foum? Ala ma'na, mais. C'est bon, Inch'Allah? Grand sata. اقرا المثالين ثم ادخل كان على الجمل الاتيه علما بان كان من اخوات ان لا ميم شوزا كان من اخوات ان تنصب الاسم وترفع الخبر مفهوم هذا اي كان يلابل حرف تشبيه ونصب طيب هذا حرف تشبيه فالفو ما معنى تشبيه طيب والنصب هذا معروف طيب Comment ? Non, attends, j'explique. Taïb. Tashbi ma'na ici ressemblance. Taïb. Taïb. Et la même chose. Ka'anna mith inna. Taqul ka'anna zaydan asadun. Ka'annahu asadun. Hada ma'na tashbi. C'est-à-dire, tu fais ressembler quoi, barakallahu fik? Zayd ou quoi? Un lion. Par exemple, si quelqu'un de courageux, tu dis Ka'anna Zaydan Asad. Ou par exemple, Ka'anna Al-Jariya Badrun. Par exemple, une petite fille jolie, tu la compares à une lune pleine. Il faut m'aider. Ou Ka'anna Al-Jariya Zahra. Il a akhir. Hada ma'na tashbih. Taïb, Inch'Allah, tout le monde a compris ça? Mohamed, il y a quelque chose que tu veux? Taïb. Barakallah. Taïb. C'est compris ça alors? Kana, ils disent quoi? Hu yadullu ala tashbih al-mubtada bil khabar. C'est-à-dire, tu fais ressembler le mubtada au khabar. Il faut m'aider? Comment? Qu'est-ce que c'est? Al-mubtada bil khabar. Taïb. Alors quand je te dis là, Kanna Zaydan Asadun, on a fait ressembler qui là? Zayd à quoi? Un lion. Mais fum hada? Hada wal as. Non. Là ils appellent Kanna Tashbi également. Mais fum? Mais sinon, mais là, Kal Asad il fera Hafjar. Si tu dis Zayd Kal Asadi, tu diras pas Kal Asada. Mais fum? Mais sinon, au niveau de du sens, c'est la même chose. Tu dis Zaydoun qu'al Asadi. On a le kef, on a Hafjar. Là, ça. Là, tu as un nom. Amma, il a dit, barakallahu fik, Zaydoun, ka'anna Zaydan Asadoun. Ici, il a fait quoi? Il a le sens de Tashbi, mais il n'a pas le même travail. C'est compris ça? Là, c'est la différence de quoi? De ka'anna, de inna. Ils ont le même travail, mais pas le même sens. Mais quand tu m'as dit, barakallahu fik, ka'anna Zaydan Asadoun. Zaydoun kal Asad, c'est le même sens, mais pas le même travail. Vous avez compris la question du frère Abdelhamid? Hein? Barakallahu fik. كأن سينون سي تشبي dans le sens français comme phrase, comme comme كأن si vous voulez traduire en français ce serait comme un lion ou par exemple l'exemple qu'on a donné là كأن الجارية ou par exemple كأن أمينة بدر comme أمينة c'est comme une lune هكذا مفهوم et la lune c'est connu c'est quelque chose de beau طيب طيب ان شاء الله بسم الله اولي الله من هذا الفتى كانه اخوك طيب mais le problème ici c'est que le mualef il a donné certains exemples il est sorti un peu du sujet tu vois alors je suis obligé de vous en parler un petit peu طيب mais de temps en temps il peut avoir un sens de quoi de doute طيب vous comprenez ça Pour ça, c'est pas évident. Si je vous dis par exemple, Ka'anna Zaydan Qa'imun, ou Ka'anna Zaydan Indaka, vous me suivez ici? Si je vous dis Ka'anna Zaydan Indaka, ici il n'y a pas un sens de tashbih. Mettez un peu comme ça. Vous Ici c'est quoi? C'est comme si je doute un peu. Hein? Vous avez compris là? C'est-à-dire, je doute que quoi? Que Zayd il est chez toi. Taïb? Et là, ici, qu'est-ce qu'ils disent les Ashab al-Nahu? C'est-à-dire, si le khabar c'est un dharf. Vous comprenez ça? Indaka ou taht, il aura un sens de quoi de doute. Parce qu'il ne nous a pas mis que des exemples au niveau du tashbih. Vous avez compris ça? Alors si je vous dis par exemple, Ka'anna Zaydan Indaka, bima'na huna shak. Ce ne sera pas au niveau du barakallahu fik, du tashbih. Taïb? Vous avez compris ça, le dernier truc que je viens de dire là? Si le khabar il est dharf, c'est qu'il y a un doute. Voilà, il n'a plus le sens de ressemblance. Taïb? Notez cet exemple là. Ka'anna Zaydan Indaka. طيب نعم il a un sens de doute ici pas de ressemblance non je sais mais il y a d'autres exemples et après mais après j'ai peur que vous n'avez pas étudié ça encore tu vois Wahbi parce que certaines choses il vous donne dans le 2 ça va venir plus tard dans le 3 comme par exemple le dars de demain la ism tafdil si moi je vous explique tout c'est des doros dans des doros vous comprenez ça ou non Comment on forme un ism tafdil, le comparatif? Il faut que ça soit un verbe à trois lettres. Il faut qu'il soit ma'lou. Il faut qu'il soit pas majhoul. Il y a certaines choses, vous ne les avez pas encore vues. Vous allez les voir dans le 3. Vous comprenez? Alors on donnera ce qu'il faudra. Et c'est pour ça que je ne peux pas tout vous dire. Sinon, c'est quoi? Une leçon dans une leçon. Et le dars de demain, je vous promets, c'est peut-être 3-4 leçons dans la même leçon. Inch'Allah, petit à petit comme ça. Et à la fin du 3, vous aurez compris le 1 et 2 et 3. T'as compris, Wahbi? Non. كأن زيدا عندك. Est-ce que là j'ai ressemblé Zayd à l'endroit où il est? Vous comprenez là ce que je dis là? Hein? Sinon ça c'est quoi? Ça va faire une confusion. Si vous en parlez pas, si tu appliques cette règle là, tu vas dire là c'est faux ce qu'il vient de dire le frère. كأن زيدا عندك. Comment? Il nous a dit c'est tashbih. Est-ce qu'il ressemble Zayd à l'endroit où là? Mana ana adhun. Je doute. Vous avez compris là inchallah? Barakallahu fik. Après, il y a un autre truc, on le verra plus tard, Inch'Allah. C'est compris ça, Sami? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Juste un instant. Tout le monde a. Abdelkarim. Tout le monde a bien compris là le deuxième exemple? Wahbi, t'as bien compris là? Non. Et non, tashbih, il n'y a pas de mal ici. Non, oui, trop simple. Non, c'est qui a levé la main? Indaka, c'est un dhaf makan. Voilà. Tu vois? طيب بسم الله ونلي إن شاء الله لفخا سيبكم لي طيب من هذه الطفلة كأنها أختك طيب alors toi t'as lu là هو زميلك أحسن بارك الله فيك هي طبيبة يا وهبي كأنها طبيبة très bien هم طلاب نعم نعم كأنك مريض نعم هو مدرس جديد كأنه مدرس جديد نعم أنت أخت مريم أنت يا أنت أخت أنتي أخت أخته لا أخته مريم نعم مضاف مضاف لي هو مدرس جيد سيبا كأنه مدرسا جديدا لا لا كأنه مدرس كأنه مدرسا جديدا كأنه il a dit quoi مدرس جديد لا لا c'est bon c'est مدرس جديد ايه نعم لا لا c'est خبر il ou le اسم le frère il a demandé là les frères j'entends ça parle là ça parle là ça parle là concentrez-vous Allah يبارك فيكم طيب un instant les frères Allah يبارك فيكم طيب هو مدرس جديد سيكي كافي cette phrase عندك t'as dit quoi كأنه مدرس جديد طيب في الاعراب de cette phrase هو مدرس جديد صن كأن في الإعراب هو مدرس جديد إيه فازي أكده هو ضمير إيه هو ضمير لا شك ولكن إلى إن بلاس نعم ضن الإعراب هو مبتدا نعم مبتدا ومدرس جديد خبر تيسا سي خبر مدرس جديد لا لا مدرس خبر وجديد صفة هذا si tu fais rentrer كأن c'est la même chose mais sauf on dira quoi مبتدا On dira quoi Ism Ka'anna, Khabar Ka'anna. C'est ça. Le frère ne s'est pas trompé. Taïb, Inch'Allah Barakallahu fikoum. Tu voulais dire quoi, Abdelmajid? T'as levé la main. Taïb, Inch'Allah. Tout le monde a compris, Inch'Allah Grand 8, hein. Iqra Mayali. Taïb, l'envoie une nouvelle règle au niveau des chiffres. Taïb, et la règle ici, Barakallahu fikoum, c'est de 11 à 99. La chose comptée sera quoi Singulier, Mansoub. Taïb Taïb, bismillah, qala. Chacun lit un chiffre. Hein. Essayez de ne pas négliger la révision au niveau des chiffres, car on en a beaucoup besoin. 2, 3 et 10. On avait dit que la chose comptée, c'était l'inverse de, du chiffre, et qui était pluriel, majrour. Et de 100 à 1000, c'était quoi, Bilal Moufrad. Elle peut être masculin comme féminin, majrour. Mais faut madame. Et aujourd'hui, on voit quoi? De 11 à 99. Tfaddal. S'arrêter où là? Les frères, allez venir. Ahada, Ashara. Pas Ashara. Il y a une fatha sur le Fokl Shin. Ashara. Taliban. Hein, comptez hein, comme ça, après 11, 12 en descendant, comme ça, ça fait 11, 12, 13. Taliban. Très bien. Taliban. Taliban. Taliban. نعم تو مدا كومبري ان شاء الله 20 نعم طيب اقرا ما يلي ثم اكتبه مع كتابه الارقام الوارده فيه بالحروف طيب لا تدمند كوا بارك الله فيك دو لير سكي سوي ثم اكتبه مع كتابه الارقام اون ايكريفون كوا سير لي شيفر الوارده منشوني فيه بالحروف في الفاس هنا لو شيفر 19 اون ساريتي او لا لا لا تفضل يا نعم عندي 15 كتابا باللغه العربيه و 12 كتابا باللغه الفرنسيه très bien بارك الله فيك à voix haute les frères السلام في المنام نعم رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا ريالا طيب عندي ريسونا 20 ريالا وسيفا كم فندقا في هذا الشارع في 13 ثلاثة ثلاثة عشر فنادق Non. Également une chose qui peut vous aider, c'est que l'unité sera l'inverse de quoi? De la chose comptée. Hein? Vous avez compris ça? L'unité, quand vous regardez là, parce que là on a un chiffre à quoi là? On a des unités, des dizaines. Me font mal? Ça vous souvenez de ça, Inch'Allah? L'unité, la dizaine et la centaine. Là, si vous regardez bien, l'unité, c'est l'inverse de quoi? De la chose comptée, sauf le 11 et 12. 11 et 12, tout c'est conforme. Mais de 13, regardez bien, barakallahu fikoum, jusqu'à 19, la chose, c'est-à-dire l'unité, sera l'inverse de quoi? De la chose comptée. Vous faites attention à ça ou non? Là c'est comme pour le fait. Regardez bien. C'est comme l'exercice de 3 à 10. C'est quoi l'unité à Altman dans ça là? Salafa. La chose comptée, c'est quoi? Taliban. La chose, l'unité, elle est comment? Elle est au féminin ou au masculin? De 3 à 19, de 13 à 19. Ah, ça, ouais, ma'ana l'unité. Tout le monde a compris ça? Non. Tu regardes beaucoup, Abdelmajid. Hein? Pas trop, c'est vrai. C'est chaud. Pourquoi c'est chaud? Il n'y a rien qui est chaud, c'est simple. Pour le féminin, c'est son contraire. Comment? Pour le féminin, c'est son contraire. Voilà, l'axe. Ça veut dire pour le féminin, je dirais il fasli, thalatha asharata talibatan. Voilà, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous voulez dire, Abila? La dizaine, elle reste toujours. La dizaine, moi je ne veux pas trop vous parler de ça parce qu'il y a un dars khas. Vous avez compris ça? Il y a un dars khas sur les chiffres. Maintenant, si vous avez ouvert ça, regardez bien, barakallahu fikoum. De 13 à 19. Regardez bien, barakallahu fikoum. Vous voyez l'unité, tout le monde sait c'est quoi l'unité? Hein? C'est de 3 à 9. Après, on a quoi? Les dizaines. Et après, il y a des centaines. Me faut? L'unité ici, de 13 à 19, regardez bien, c'est au féminin ou c'est au masculin? C'est au féminin. C'est au féminin. C'est-à-dire, quand tu as l'unité qui est au féminin, la chose comptée, elle sera au masculin. Me faut, madame? Et la dizaine, elle est conforme à quoi? À la chose comptée. Si la chose comptée est féminine, la dizaine, elle sera. C'est l'axe après. Il n'y a pas de. T'as S'il n'est pas bien, il est bien, le frère. Ah, cadeau. Attendez, les frères. De 13 à 19. J'ai dit de 11 et 12, tout se conforme, les frères. Regardez bien. Vous envoyez des questions alors que tout est simple. Hein? Attends, juste Osman. À ton avis. Voilà. Si moi je vous donne cette règle-là, c'est que pour vous comprenez quoi? Si c'est au féminin, ce sera l'inverse. Imaginez-vous, c'était Talibatan. On dirait quoi, Ayman? 13. On aurait 13 étudiantes. Talatha. Là. On a dit que la dizaine correspondait à la chose comptée. Talatha asharata talibatan. Vous comprenez, Inch'Allah? On va répéter une dernière fois et concentrez-vous, Taïb. On a dit que le chiffre 11 et 12, tout se conformait. Regardez bien. Ahada ashara taliban. Tout est au masculin ou il y a quelque chose qui est au féminin et une chose qui est au masculin? Tout est au masculin. Le 12. Itna ashara taliban. Tout le monde y est? Asman. C'est bon? À partir de 13, regardez bien. L'unité. Ceux qui ne comprennent pas l'unité ou la peur d'oublier, il entoure le 3. Hada ma'na l'unité. Taïb? L'unité, s'il est au féminin, la chose comptée sera comment? Au masculin. Comment? Mufrad mansoub. C'est-à-dire quoi? Singulier, mansoub. Et la dizaine, c'est quoi la dizaine? Achara. Il sera quoi? Il sera quoi? De la même chose que la chose comptée. Conforme à quoi? À la chose comptée. Tu dis pas thalathata asharata taliban. Là. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Non. Mohamed, c'est compris? Abdelmajid? Tout le monde a compris, Inch'Allah, là? Abdelmajid? C'est simple. Sami, tu veux dire quelque chose? Tout le monde a compris? Celui qui a compris ça, il a compris la même chose si compté du féminin. Mais faut, madame? Voilà. Bismillah. Très bien, barakallahu fik. Doucement et à voix haute. Hein? C'est 18 ou 17 que vous avez? نعم سبعة عشر ريالا وسبعة. في هذا الكتاب عشرون درس نعم وسبعة. c'est fini? Non, c'est nous. Très bien. Parce que في سناتا. Pourquoi في سناتا؟ في moi je vous de temps en temps je vous contredis pas parce que moi comme c'est une ancienne édition c'est 12 que j'ai moi aussi. Alors pas 18, apprenez les chiffres hein, les frères en arabe. C'est 12 que t'as Kamel ou vas-y répète. في سناتي c'est bien 12 شهرا. طيب inchallah. Tout le monde a compris cet exercice, Inch'Allah. El Manam, en rêve, il a vu Youssouf alayhi salam. Taïb. Taïb. Iqra mayali. Chacun lit. Ça doit aller vite, hein. Al-Awwal. En dessous. Al-Dars al-Thani. الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادس نعم هنا نعم الدرس السابع الدرس الثامن الدرس التاسع الدرس العاشر العاشر très bien طيب الأول مؤنثه أولى الأولى طيب سيدي كويت ديسون فيمينا تدي كوا الأولى نقول الطالب الأول والطالبة الأولى مفهوم هذا إن شاء الله طيب إجرسيس 11 إنعت الأسماء الآتية بالعدد ترتيبي المشتق من العدد المذكور أمام كل أمام كل واحد منها لا يوزامي entre parenthèses quoi بارك الله فيكم des chiffres et c'est à toi de faire attention si le mot devant toi il est au masculin tu lui donneras quoi un chiffre au masculin. Si c'est du féminin, tu dis au féminin. Tu ne dis pas par exemple Talibatou al-Awwal. Vous avez compris ça? Je vous aide par exemple. Là on a quoi? On a le chiffre 8. Al-Yom, on dira quoi ici? Al-Thamin. On ne dira pas quoi? Al-Thaminatou. Tout le monde a compris, Inch'Allah? On s'arrêtait où? À toi, Razi, vas-y. C'était ici, Afouane. Très bien. Al-Talibu al-Thalithu. Au suivant. C'est-à-dire là, la place qu'il a, le chiffre, il a une place de quoi? De sifa, d'adjectif. Taïb. Al-Darsu. Al-Ashiru. Très bien. Al-Safhatu al-Tasi'atu. Très bien, mashallah. Au suivant. Al-Awwalu. Naam. Fi sanati. Pas في السنة في السنة voilà vas-y très bien non nous on a 4 الرابعة très bien là الرابعة elle va tromper on dit طيب parce que les sifa il suit طيب في السنة الرابعة au suivant très bien répète le baytou très bien la regarde bien le ghorfatou quoi khamisatou khamisatou quoi khamis la ghorfatou c'est féminin ou masculin féminin alors non le ghorfatou le khamisatou après là c'est deux ça je crois adjus de thani on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 9h15 presque comme ça demain révisez bien ça et on fera l'ism tafdhi ce qui reste inchallah. Quelqu'un a une question à poser par rapport à la kinna ka'anna et les chiffres tout le monde a compris inchallah bismillah ilahun أبناء أوف. أبناء أوف.